Section 35. Troisième partie, livre 11e. Suite. À Naples, où Madame Récamier se rendit en automne, cessèrent les occupations de la solitude. À peine fut-elle descendue à l'auberge que les ministres du roi Joachim accoururent. Murat, oubliant la main qui changea sa cravache en sceptre, était prêt à se joindre à la coalition. Bonaparte avait planté son épée au milieu de l'Europe, comme les Gaulois plantaient leurs glaives au milieu du Malus. Autour de l'épée de Napoléon s'étaient rangés en cercle des royaumes qu'il distribuait à sa famille. Caroline avait reçu celui de Naples. Madame Murat n'était pas un camé antique aussi élégant que la princesse Borghèse, mais elle avait plus de physionomie et plus d'esprit que sa sœur. À la fermeté de son caractère, on reconnaissait le sang de Napoléon. Si le diadème n'eût pas été pour elle l'ornement de la tête d'une femme, il eût encore été la marque du pouvoir d'une reine. Caroline reçut Madame Récamier avec un empressement d'autant plus affectueux que l'oppression de la tyrannie se faisait sentir jusqu'à Portici. Cependant, la ville qui possède le tombeau de Virgile et le berceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-Live, Boccace et Saint-Nazaire, où naquirent Durante et Cimarosa, avait été embellie par son nouveau maître. L'ordre s'était rétabli. Les Lazzaroni ne jouaient plus à la boule avec des têtes pour amuser l'amiral Nelson et Lady Hamilton. Les fouilles de Pompéi s'étaient étendues. Un chemin serpentait sur le Posilippe, dans les flancs duquel j'avais passé en 1803 pour aller m'enquérir à Literne de la retraite de Scipion. Ces royautés nouvelles d'une dynastie militaire avaient fait renaître la vie dans des pays où se manifestait auparavant la moribonde langueur d'une vieille race. Robert Guiscard, Guillaume Bras de Fer, Roger et Tancrède semblaient être revenus, moins la chevalerie. Madame Récamier était à Naples au mois de février 1814. Où étais-je donc alors? Dans ma vallée aux loups, commençant l'histoire de ma vie. Je m'occupais des jeux de mon enfance au bruit des pas des soldats étrangers. La femme dont le nom devait clore ses mémoires errait sur les marines de Bailly. N'avais-je pas un pressentiment du bien qui m'arriverait un jour de cette terre, alors que je peignais la séduction parthénopéenne dans les martyrs? Chaque matin, aussitôt que l'aurore commençait à paraître, je me rendais sous un portique. Le soleil se levait devant moi, il illuminait de ses feux les plus doux la chaîne des montagnes de Salerne, le bleu de la mer parsemé des voiles blanches du pêcheur, les îles de Caprée, d'Onaria et de Prochyta, le cap de Misène et Bailly avec tous ses enchantements. Des fleurs et des fruits humides de rosée sont moins suaves et moins frais que le paysage de Naples, sortant des ombres de la nuit. J'étais toujours surpris, en arrivant au portique, de me trouver au bord de la mer, car les vagues dans cet endroit faisaient à peine entendre le léger murmure d'une fontaine. En extase devant ce tableau, je m'appuyais contre une colonne, et sans pensée, sans désir, sans projet, je restais des heures entières à respirer un air délicieux. Le charme était si profond qu'il me semblait que cet air divin transformait ma propre substance, et qu'avec un plaisir indicible, je m'élevais vers le firmament comme un pur esprit. Attendre ou chercher la beauté, la voir s'avancer dans une nacelle et nous sourire du milieu des flots, voguer avec elle sur la mer dont nous semions la surface de fleurs, suivre l'enchanteresse au fond de ses bois de myrte et dans les champs heureux où Virgile plaça l'Élysée, telle était l'occupation de nos jours. Peut-être est-il des climats dangereux à la vertu par leur extrême volupté, et n'est-ce point ce que voulut enseigner une fable ingénieuse en racontant que Parthénope fut bâtie sur le tombeau d'une sirène? L'éclat velouté de la campagne, la tiède température de l'air, les contours arrondis des montagnes, les molles inflexions des fleuves et des vallées, sont à Naples autant de séductions pour les sens que tout repose et que rien ne blesse. Pour éviter les ardeurs du midi, nous nous retirions dans la partie du palais bâtie sous la mer. Couchés sur des lits d'ivoire, nous entendions murmurer les vagues au-dessus de nos têtes. Si quelque orage nous surprenait au fond de ces retraites, les esclaves allumaient des lampes pleines du nard le plus précieux de l'Arabie. Alors entraient de jeunes napolitaines qui portaient des roses de Paestum dans des vases de Nola. Tandis que les flots mugissaient au dehors, elles chantaient en formant devant nous des danses tranquilles qui me rappelaient les mœurs de la Grèce. Ainsi se réalisaient pour nous les fictions des poètes. On eût cru voir les jeux des Néréides dans la grotte de Neptune. Madame Récamier rencontra à Naples le comte de Neipperk et le duc de Rohan-Chabot. L'un devait monter au nid de l'aigle, l'autre revêtir la pourpre. On a dit de celui-ci qu'il avait été voué au rouge, ayant porté l'habit de chambellan, l'uniforme de chevau léger de la garde et la robe de cardinal. Le duc de Rohan était fort joli. Il roucoulait la romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure, éprouvée au fer, avait une élégance de martyr. Il prêchait à la brune, dans des oratoires sombres, devant des dévotes, ayant soin, à l'aide de deux ou trois bougies artistement placées, d'éclairer en demi-teinte comme un tableau son visage pâle. On ne s'explique pas de prime abord comment des hommes, que leur nom rendait bêtes à force d'orgueil, s'étaient mis au gage d'un parvenu. En y regardant de près, on trouve que cette aptitude à entrer en condition découlait naturellement de leurs mœurs. Façonnés à la domesticité, point n'avait souci du changement de livrée, pourvu que le maître fût logé au château à la même enseigne. Le mépris de Bonaparte leur rendait justice. Ce grand soldat, abandonné des siens, disait à une grande dame « Au fond, il n'y a que vous autres qui sachiez servir. » La religion et la mort ont passé l'éponge sur quelques faiblesses, après tout bien pardonnables, du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux, nourrissant le pauvre, vêtant l'orphelin et usant en bonnes œuvres sa vie, dont une santé déplorable abrégeait naturellement le cours. Lecteur, si tu t'impatientes de ces citations, de ces récits, songe d'abord que tu n'as peut-être pas lu mes ouvrages, et qu'ensuite je ne t'entends plus. Je dors dans la terre que tu foules. Si tu m'en veux, frappe sur cette terre, tu n'insulteras que mes os. Songe de plus que mes écrits font partie essentielle de cette existence dont je déploie les feuilles. Ah, que mes tableaux napolitains n'avaient-ils un fond de vérité ? Que la fille du Rhône n'était-elle la femme réelle de mes délices imaginaires ? Mais non. Si j'étais Augustin, Jérôme, Eudore, je l'étais seul. Mes jours devancèrent les jours de l'ami de Corinne, en Italie. Heureux si j'avais pu étendre ma vie entière sous ses pas comme un tapis de fleurs. Ma vie est rude et ses aspérités blessent. Puissent du moins mes heures expirantes refléter l'attendrissement et le charme dont elle les a remplies sur celle qui fut aimée de tous et dont personne n'eut jamais à se plaindre. Murat, roi de Naples, né le 25 mars 1767 à la Bastide, près Cahors, fut envoyé à Toulouse pour y faire ses études. Il se dégoûta des lettres, s'enrôla dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se réfugia à Paris. Admis dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, il obtint, après le licenciement de cette garde, une sous-lieutenance dans le 12e régiment de chasseurs à cheval. À la mort de Robespierre, il fut destitué comme terroriste. Même chose arriva à Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans ressources. Murat rentra en grâce au 13 Vendémiaire et devint tête de camp de Napoléon. Il fit sous lui les premières campagnes d'Italie, prit la Valteline et la réunit à la République cisalpine. Il eut part à l'expédition d'Égypte et se signala à la bataille d'Aboukir. Revenu en France avec son maître, il fut chargé de jeter à la porte le conseil des 500. Bonaparte lui donna en mariage sa sœur Caroline. Murat commandait la cavalerie à la bataille de Marengo. Gouverneur de Paris lors de la mort du duc d'Enghien, il gémit tout bas d'un assassinat qu'il n'eut pas le courage de blâmer tout haut. Beau-frère de Napoléon et maréchal de l'Empire, Murat entra à Vienne en 1805. Il contribua aux victoires d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, devint grand-duc de Berg et envahit l'Espagne en 1808. Napoléon le rappela et lui donna la couronne de Naples. Proclamé roi des deux Siciles le 1er août 1808, il plut aux Napolitains par son faste, son costume théâtral, ses cavalcades et ses fêtes. Appelé en qualité de grand vassal de l'Empire à l'invasion de la Russie, il reparut dans tous les combats et se trouva chargé du commandement de la retraite de Smolensk à Vilna. Après avoir manifesté son mécontentement, il quitta l'armée à l'exemple de Bonaparte et vint se réchauffer au soleil de Naples, comme son capitaine au foyer des Tuileries. Ces hommes de triomphe ne pouvaient s'accoutumer au revers. Alors commencèrent ses liaisons avec l'Autriche. Il reparut encore au camp de l'Allemagne en 1813, retourna à Naples après la perte de la bataille de Leipzig et renoua ses négociations austro-britanniques. Avant d'entrer dans une alliance complète, Murat écrivit à Napoléon une lettre que j'ai entendu lire à M. de Mosbourg. Il disait à son beau-frère, dans cette lettre, qu'il avait retrouvé la péninsule fort agitée, que les Italiens réclamaient leur indépendance nationale, que si elle ne leur était pas rendue, il était à craindre qu'ils ne se joignissent à la coalition de l'Europe et n'augmentassent ainsi les dangers de la France. Il suppliait Napoléon de faire la paix, seul moyen de conserver un empire si puissant et si beau. Que si Bonaparte refusait de l'écouter, lui, Murat, abandonné à l'extrémité de l'Italie, se verrait forcé de quitter son royaume ou d'embrasser les intérêts de la liberté italienne. Cette lettre très raisonnable resta plusieurs mois sans réponse. Napoléon n'a donc pu reprocher justement à Murat de l'avoir trahi. Murat, obligé de choisir promptement, signa, le 11 janvier 1814, avec la cour de Vienne, un traité. Il s'obligeait à fournir un corps de 30 000 hommes aux alliés. Pour prix de cette défection, on lui garantissait son royaume napolitain et son droit de conquête sur les marches pontificales. Madame Murat avait révélé cette importante transaction à Madame Récamier. Au moment de se déclarer ouvertement, Murat, fort ému, rencontra Madame Récamier chez Caroline et lui demanda ce qu'elle pensait du parti qu'il avait à prendre. Il la priait de bien peser les intérêts du peuple dont il était devenu le souverain. Madame Récamier lui dit « Vous êtes français. C'est aux Français que vous devez rester fidèle. » La figure de Murat se décomposa, il repartit « Je suis donc un traître. Qu'y faire? Il est trop tard. » Il ouvrit avec violence une fenêtre et montra de la main une flotte anglaise entrant à pleine voile dans le port. Le Vésuve venait d'éclater et jetait des flammes. 2 heures après, Murat était à cheval à la tête de ses gardes. La foule l'environnait en criant « Vive le roi Joachim !» Il avait tout oublié. Il paraissait ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre Saint-Charles, le roi et la reine furent reçus avec des acclamations frénétiques, inconnues des peuples en deçà des Alpes. On applaudit aussi l'envoyé de François II. Dans la loge du ministre de Napoléon, il n'y avait personne. Murat en parut troublé, comme s'il eût vu, au fond de cette loge, le spectre de la France. L'armée de Murat, mise en mouvement le 16 février 1814, force le prince Eugène à se replier sur l'Adige. Napoléon, ayant d'abord obtenu des succès inespérés en Champagne, écrivait à sa sœur Caroline des lettres qui furent surprises par les alliés et communiquées au Parlement d'Angleterre par Lord Castlereagh. Il lui disait « Votre mari est très brave sur le champ de bataille, mais il est plus faible qu'une femme ou qu'un moine quand il ne voit pas l'ennemi. Il n'a aucun courage moral. Il a eu peur, il n'a pas hasardé de perdre en un instant ce qu'il ne peut tenir que par moi et avec moi. » Dans une autre lettre, adressée à Murat lui-même, Napoléon disait à son beau-frère « Je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est mort. Si vous faisiez ce calcul, il serait faux. Vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez depuis votre départ de Vilna. Le titre de roi vous a tourné la tête. Si vous désirez le conserver, conduisez-vous bien. » Murat ne poursuivit pas le vice-roi sur l'Adige. Il hésitait entre les alliés et les Français, selon les chances que Bonaparte semblait gagner ou perdre. Dans les champs de Brienne, où Napoléon fut élevé par l'ancienne monarchie, il donnait en l'honneur de celle-ci le dernier et le plus admirable de ses sanglants tournois. Favorisé des Carbonari, Joachim tantôt veut se déclarer libérateur de l'Italie, tantôt espère la partager entre lui et Bonaparte devenu vainqueur. Un matin, le courrier apporta à Naples la nouvelle de l'entrée des Russes à Paris. Madame Murat était encore couchée et Madame Récamier, assise à son chevet, causait avec elle. On déposa sur le lit un énorme tas de lettres et de journaux. Parmi ceux-ci se trouvait mon écrit de Bonaparte et des Bourbons. La reine s'écria « Ah, voilà un ouvrage de M. de Chateaubriand, nous le lirons ensemble. » Et elle continua à décacheter ses lettres. Madame Récamier prit la brochure et après y avoir jeté les yeux au hasard, elle la remit sur le lit et dit à la reine « Madame, vous la lirez seule, je suis obligée de rentrer chez moi. » Napoléon fut relégué à l'île d'Elbe. L'Alliance, avec une rare habileté, l'avait placé sur les côtes de l'Italie. Murat apprit qu'on cherchait au congrès de Vienne à le dépouiller des états qu'il avait néanmoins achetés si chers. Il s'entendit secrètement avec son beau-frère, devenu son voisin. On est toujours étonné que les Napoléons aient des parents. Qui sait le nom d'Aridée, frère d'Alexandre? Pendant le cours de l'année 1814, le roi et la reine de Naples donnèrent une fête à Pompéi. On exécuta une fouille au son de la musique. Les ruines que faisaient déterrer Caroline et Joachim ne les instruisaient pas de leurs propres ruines. Sur les derniers bords de la prospérité, on n'entend que les derniers concerts du songe qui passe. Lors de la paix de Paris, Murat faisait partie de l'Alliance, le Milanais ayant été rendu à l'Autriche. Les Napolitains se retirèrent dans les légations romaines. Quand Bonaparte, débarqué à Cannes, fut entré à Lyon, Murat, perplexe, ayant changé d'intérêt, sortit des légations et marcha avec 40 000 hommes vers la Haute-Italie pour faire diversion en faveur de Napoléon. Il refusa à Parme les conditions que les Autrichiens effrayés lui offraient encore. Pour chacun de nous, il est un moment critique. Bien ou mal choisi, il décide de notre avenir. Le baron de Firmont repousse les troupes de Murat, prend l'offensive et les mène battant jusqu'à Macerata. Les Napolitains se débandèrent. Leur général roi rentre dans Naples, accompagné de 4 lanciers. Il se présente à sa femme et lui dit « Madame, je n'ai pu mourir ». Le lendemain, un bateau le conduit vers l'île d'Ischia. Il rejoint en mer une pinque chargée de quelques officiers de son état-major et fait voile avec eux pour la France. Madame Murat, demeurée seule, montra une présence d'esprit admirable. Les Autrichiens étaient au moment de paraître. Dans le passage d'une autorité à l'autre, un intervalle d'anarchie pouvait être rempli de désordre. La régente ne précipite point sa retraite. Elle laisse le soldat allemand occuper la ville et fait pendant la nuit éclairer ses galeries. Le peuple, apercevant du dehors la lumière, pensant que la reine est encore là, reste tranquille. Cependant, Caroline sort par un escalier secret et s'embarque. Assise à la poupe du vaisseau, elle voyait sur la rive resplendir illuminé le palais désert dont elle s'éloignait, image du rêve brillant qu'elle avait eu pendant son sommeil dans la région des fées. Caroline rencontra la frégate qui ramenait Ferdinand. Le vaisseau de la reine fugitive fit le salut. Le vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas. La prospérité ne reconnaît pas l'adversité, sa sœur. Ainsi les illusions, évanouies pour les uns, recommencent pour les autres. Ainsi se croisent dans les vents et sur les flots les inconstantes destinées humaines, riantes ou funestes, le même abîme les porte ou les engloutit. Murat accomplissait ailleurs sa course. Le 25 mai 1815, à 10 heures du soir, il aborda au golfe Juan où son beau-frère avait abordé. La fortune faisait jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-ci ne croyait pas à la force du malheur et au secours qu'il apporte aux grandes âmes. Il défendit au roi détrôné l'accès de Paris, il mit au lazaret cet homme attaqué de la peste des vaincus, il le relégua dans une maison de campagne appelée Plaisance, près de Toulon. Il eût mieux fait de moins redouter une contagion dont il avait été lui-même atteint. Qui sait ce qu'un soldat comme Murat aurait pu changer à la bataille de Waterloo? Le roi de Naples, dans son chagrin, écrivait à Fouché le 19 juin 1815. « Je répondrai à ceux qui m'accusent d'avoir commencé les hostilités trop tôt, qu'elles le furent sur la demande formelle de l'empereur, et que depuis 3 mois il n'a cessé de me rassurer sur ses sentiments, en accréditant des ministres près de moi, en m'écrivant qu'il comptait sur moi et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Ce n'est que lorsqu'on a vu que je venais de perdre avec le trône les moyens de continuer la puissante diversion qui durait depuis 3 mois, qu'on veut égarer l'opinion publique en insinuant que j'ai agi pour mon propre compte et à l'insu de l'empereur. Il y eut dans le monde une femme généreuse et belle. Lorsqu'elle arriva à Paris, Madame Récamier la reçut et ne l'abandonna point dans des temps de malheur. Parmi les papiers qu'elle a laissés, on a trouvé 2 lettres de Murat du mois de juin 1815. Elles sont utiles à l'histoire. 6 juin 1815. J'ai perdu pour la France la plus belle existence. J'ai combattu pour l'empereur, c'est pour sa cause que ma femme et mes enfants sont en captivité. La patrie est en danger, j'offre mes services, on en ajourne l'acceptation. Je ne sais si je suis libre ou prisonnier. Je dois être enveloppé dans la ruine de l'empereur s'il succombe, et on m'ôte les moyens de le servir et de servir ma propre cause. J'en demande les raisons. On répond obscurément et je ne puis me faire juge de ma position. Tantôt, je ne puis me rendre à Paris, où ma présence ferait tort à l'empereur. Je ne saurais aller à l'armée, où ma présence réveillerait trop l'attention du soldat. Que faire ? Attendre. Voilà ce qu'on me répond. On me dit, d'un autre côté, qu'on ne me pardonne pas d'avoir abandonné l'empereur l'année dernière, tandis que des lettres de Paris disaient, quand je combattais récemment pour la France, « Tout le monde ici est enchanté du roi ». L'empereur m'écrivait, « Je compte sur vous, comptez sur moi, je ne vous abandonnerai jamais ». Le roi Joseph m'écrivait, « L'empereur m'ordonne de vous écrire de vous porter rapidement sur les Alpes ». Et quand, en arrivant, je lui témoigne des sentiments généreux et que je lui offre de combattre pour la France, je suis envoyé dans les Alpes. Pas un mot de consolation n'est adressé à celui qui n'eut jamais d'autre tort envers lui que d'avoir trop compté sur des sentiments généreux, sentiments qu'il n'eut jamais pour moi. Mon ami, je viens vous prier de me faire connaître l'opinion de la France et de l'armée à mon égard. Il faut savoir tout supporter et mon courage me rendra supérieur à tous les malheurs. Tout est perdu, hors l'honneur. J'ai perdu le trône, mais j'ai conservé toute ma gloire. Je fus abandonné par mes soldats, qui furent victorieux dans tous les combats, mais je ne fus jamais vaincu. La désertion de 20 000 hommes me mit à la merci de mes ennemis. Une barque de pêcheurs me sauva de la captivité, et un navire marchand me jeta en 3 jours sur les côtes de France. Sous Toulon, 18 juin 1815. Je viens de recevoir votre lettre. Il m'est impossible de vous dépeindre les différentes sensations qu'elle m'a fait éprouver. J'ai pu un instant oublier mes malheurs. Je ne suis occupé que de mon ami, dont l'âme noble et généreuse vient me consoler et me montrer sa douleur. Rassurez-vous, tout est perdu, mais l'honneur reste. Ma gloire survivra à tous mes malheurs, et mon courage saura me rendre supérieur à toutes les rigueurs de ma destinée. N'ayez rien à craindre de ce côté. J'ai perdu trône et famille sans m'émouvoir, mais l'ingratitude m'a révolté. J'ai tout perdu pour la France, pour son empereur, pour son ordre, et aujourd'hui il me fait un crime de l'avoir fait. Il me refuse la permission de combattre et de me venger, et je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite. Concevez-vous tout mon malheur ? Que faire ? Quel parti prendre ? Je suis français et père. Comme français, je dois servir ma patrie. Comme père, je dois aller partager le sort de mes enfants. L'honneur m'impose le devoir de combattre, et la nature me dit que je dois être à mes enfants. À qui obéir ? Ne puis-je satisfaire à tous deux ? Me sera-t-il permis d'écouter l'un ou l'autre ? Déjà l'empereur me refuse des armées, et l'Autriche m'accordera-t-elle les moyens d'aller rejoindre mes enfants ? Les lui demanderai-je, moi, qui n'ai jamais voulu traiter avec ses ministres ? Voilà ma situation. Donnez-moi des conseils. J'attendrai votre réponse, celle du duc d'Otrante et de Lucien, avant de prendre une détermination. Consultez bien l'opinion sur ce que l'on croit qu'il me convient de faire, car je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite. On revient sur le passé, et on me fait un crime d'avoir, par ordre, perdu mon trône, quand ma famille gémit dans la captivité. Conseillez-moi, écoutez la voix de l'honneur, celle de la nature, et en juge impartial, ayez le courage de m'écrire ce qu'il faut que je fasse. J'attendrai votre réponse sur la route de Marseille à Lyon. » Laissant de côté les vanités personnelles et ces illusions qui sortent du trône, même d'un trône où l'on ne s'est assis qu'un moment, ces lettres nous apprennent quelle idée Murat se faisait de son beau-frère. Bonaparte perd une seconde fois l'Empire, Murat vagabonde sans asile sur ces mêmes plages qui ont vu errer la duchesse de Berry. Des contrebandiers consentent, le 22 août 1815, à le passer, lui et 3 autres, à l'île de Corse. Une tempête l'accueille, la balancelle qui faisait le service entre Bastia et Toulon le reçoit à son bord. À peine a-t-il quitté son embarcation qu'elle s'entr'ouvre. Surgit à Bastia le 25 août, il court se cacher au village de Vescovato, chez le vieux Colonna Secaldi. 200 officiers le rejoignirent avec le général Franceschetti. Il marche sur Ajaccio. La ville maternelle de Bonaparte seule tenait encore pour son fils. De tout son empire, Napoléon ne possédait plus que son berceau. la garnison de la citadelle salue Murat et le veut proclamer roi de Corse. Il s'y refuse, il ne trouve d'égal à sa grandeur que le sceptre des deux Siciles. Son aide-de-camp, Macirone, lui apporte de Paris la décision de l'Autriche, en vertu de laquelle il doit quitter le titre de roi et se retirer à volonté dans la Bohême ou la Moldavie. « Il est trop tard, répondit Joachim, mon cher Macirone, le dé en est jeté. » Le 28 septembre, Murat cingle vers l'Italie. 7 bâtiments étaient chargés de ses 250 serviteurs. Il avait dédaigné de tenir à royaume l'étroite patrie de l'homme immense. Plein d'espoir, séduit par l'exemple d'une fortune au-dessus de la sienne, il partait de cette île d'où Napoléon était sorti pour prendre possession du monde. Ce ne sont pas les mêmes lieux, ce sont les génies semblables qui produisent les mêmes destinées. Une tempête dispersa la flottille. Murat fut jeté le 8 octobre dans le golfe de Sainte-Euphémie, presque au moment où Bonaparte abordait le rocher de Sainte-Hélène. De ces 7 prames, il ne lui en restait plus que 2, y compris la sienne. Débarqué avec une 30aine d'hommes, il essaye de soulever les populations de la côte. Les habitants font feu sur sa troupe. Les 2 prames gagnent le large. Murat était trahi. Il court à un bateau échoué. Il essaye de le mettre à flot. Le bateau reste immobile. Entouré et pris, Murat, outragé du même peuple qui se tuait naguère à crier « Vive le roi Joachim !» est conduit au château de Pizzo. On saisit sur lui et ses compagnons des proclamations insensées. Elles montraient de quels rêves les hommes se bercent jusqu'à leur dernier moment. Tranquille dans sa prison, Murat disait « Je ne garderai que mon royaume de Naples. Mon cousin Ferdinand conservera la seconde Sicile. » Et dans ce moment, une commission militaire condamnait Murat à mort. Lorsqu'il apprit son arrêt, sa fermeté l'abandonna quelques instants. Il versa des larmes et s'écria « Je suis Joachim, roi des deux Siciles. » Il oubliait que Louis XVI avait été roi de France, le duc d'Enghien, petit-fils du grand Condé, et Napoléon, arbitre de l'Europe. La mort compte pour rien ce que nous fûmes. Un prêtre est toujours un prêtre, quoi qu'on dise et qu'on fasse. Il vient rendre à un cœur intrépide la force des faillis. Le 13 octobre 1815, Murat, après avoir écrit à sa femme et conduit dans une salle du château de Pizzo, renouvelant dans sa personne romanesque les aventures brillantes ou tragiques du Moyen-Âge. 12 soldats, qui peut-être avaient servi sous lui, l'attendaient disposés sur 2 rangs. Murat voit charger les armes, refuse de se laisser bander les yeux, choisit lui-même en capitaine expérimenté le poste où les balles le peuvent mieux atteindre. Couché en joue, au moment du feu, il dit « Soldats, sauvez le visage, visez au cœur !» Il tombe, tenant dans ses mains le portrait de sa femme et de ses enfants. Ces portraits ornaient auparavant la garde de son épée. Ce n'était qu'une affaire de plus que le brave venait de vider avec la vie. Les genres de mort différents de Napoléon et de Murat conservent les caractères de leur existence. Murat, si fastueux, fut enterré sans pompe, à Pizzo, dans une de ces églises chrétiennes dont le saint charitable reçoit miséricordieusement toutes les cendres. Fin de la section 35.